Je m'appelle Birdie Duck. Enfin non. Je m'appelle Birdie Duck parce qu'il fallait bien un nom pour porter une voix qui n'est pas exactement la mienne, mais pas totalement étrangère non plus. Si j'écris sous la forme d'un avatar, ce n'est pas par coquetterie littéraire, c'est pour dissocier ce que je publie ici de mon activité professionnelle stricte. Une manière de créer une distance, une respiration, une protection aussi. Et dissocier, finalement, pas tant que cela. Je me suis aperçu d'une chose troublante en relisant un vieux mémoire, c'est que j'écris ici à peu près avec le même style que lorsque j'étais étudiant, surtout dans les dernières années, comme si le temps, ce mauvais comptable, avait laissé intacte une certaine musique intérieure. Mais pourquoi écrire ? Au départ, presque par accident. La plupart des premiers textes sont des réécritures de cours rédigés pendant la période du Covid, il fallait bien continuer à échanger avec les élèves, je m'étais dit que c'était le bon moment pour écrire l'intégralité de mes cours, et puis chemin faisant, je me suis aperçu que j'aimais écrire. Pour l'instant, beaucoup de ce qui est publié relève encore de la réécriture. Ensuite seulement, la réflexion s'est étendue. Certains de ces textes existent d'ailleurs sous une autre forme sur un autre blog, Birdie Duck Année Zéro. Écrire, je l'ai compris tardivement, n'était pas seulement un moyen de transmettre, mais une activité en soi. Il y a aussi une raison plus intime, moins confortable à formuler. J'ai 50 ans, et je sens bien que quelque chose intellectuellement commence à décliner. Rien de dramatique, rien d'héroïque non plus, mais une forme de fuite, une élasticité moindre, des idées qui demandent plus d'efforts pour se mettre en ordre. Écrire est devenu une manière de faire travailler ce qui reste vif, et aussi de laisser une trace, de fixer ce qui, autrement, risquerait de s'échapper. Il y a peut-être encore une autre chose, plus discrète, que je n'avais pas prévue. Au lycée, je n'étais pas un élève particulièrement attentif, je n'étais pas un élève brillant même. Je dormais beaucoup en cours, je m'ennuyais souvent, certaines matières, pourtant centrales, m'ont laissé très peu de souvenirs. La littérature, la philosophie, la physique, les mathématiques, j'ai parfois l'impression de ne pas les avoir vraiment suivies, comme si ces années s'étaient déroulées à côté de moi. Cela ne veut pas dire que tout m'était indifférent. J'aimais l'histoire, par exemple, elle me parlait davantage. Mais pour le reste, quelque chose ne prenait pas. Pas encore. Et l'écriture, surtout, ne m'attirait pas. Je n'aimais pas écrire. Je crois même pouvoir dire que, jusqu'à mes 22, 23 ans environ, je n'y ai jamais pris le moindre plaisir. Les mots me résistaient. Ou plutôt, je n'éprouvais aucune envie de les apprivoiser. Pour être tout à fait honnête, et s'il faut rassurer ceux qui s'inquiètent de leur copie parmi les plus jeunes de mes lecteurs ou auditeurs, je n'ai jamais brillé en français. J'ai obtenu un petit 10 sur 20 à l'écrit au baccalauréat et un modeste 11 à l'oral, sans doute davantage grâce à un peu de bagou qu'à une quelconque maîtrise de la littérature. Bilan, 10,2 au bac, mention passable, comme on disait dans le vieux temps. Et ce n'est pas grave. Cela ne voulait rien dire d'essentiel. Les notes du baccalauréat ne veulent rien dire d'essentiel. Si j'écris aujourd'hui, ce n'est donc pas pour raconter un parcours exemplaire ni pour donner une leçon, c'est simplement pour laisser ce témoignage tranquille. Les choses ne se mettent pas toujours en place au moment où on les attend. Les goûts se déplacent, les dispositions aussi, et parfois ça se décante. Parfois il faut du temps. Pourquoi écrire ainsi ? Il y a un style, Birdie Duck. Ou un essai de style, plus précisément. Birdie Duck pose un regard un peu mélancolique, parfois tendre, parfois aigri, sur les théories et faits économiques, sociaux et politiques. Rien de plus, rien de moins. Les sciences humaines et sociales manquent cruellement de ce que j'appellerais, faute de mieux, une forme de poésie. Dire la vérité est une obligation. Dire la vérité de manière imbuvable est un choix qu'ont fait beaucoup de chercheurs et d'intellectuels. Il faut que je sois honnête. Il y a très peu d'auteurs en sciences humaines pour moi, qui soient réellement agréables à lire. Mon rapport à leur texte est avant tout un rapport, parfois affectif, mais souvent physique, qui demande un effort. Certains livres, sans que je sache vraiment pourquoi, je les ai absorbés sans peine. Keynes, par exemple, lui, il y a longtemps, dévoré presque sans y penser. Même chose pour Boudon. Et à bien y réfléchir, je ne crois pas avoir jamais croisé quelqu'un dire qu'il avait aimé lire Boudon, et je dis cela sans aucune malveillance. J'ai aussi lu avec plaisir Raymond Aron et, plus étonnant peut-être, des ouvrages techniques. La machine et le chômage d'Alfred Sauvy ou, plus technique encore, comme L'économie internationale de Krugman et Hobsfeld, des ouvrages qui ne m'ont jamais semblé pénibles à lire malgré leur densité. A l'inverse, D'autres lectures de classiques ont été de véritables épreuves. J'ai souffert avec Tocqueville de la démocratie en Amérique, mais longtemps tombé des mains, avant qu'une relecture bien plus tardive ne m'apporte enfin du plaisir. Un peu la même chose avec Max Weber, comme si, avec la maturité, le plaisir de lecture croissait. Non pas parce que les textes deviennent plus simples, mais parce que le lecteur, lui, a changé. Avec Marx, l'effort a été constant. Je ne nie en rien la puissance intellectuelle de l'œuvre, mais Le Capital m'a toujours paru pénible à lire et prétendre le contraire relève souvent, me semble-t-il, de la posture. Avec Bourdieu, la difficulté a été du même ordre. Là encore, je ne conteste ni l'intelligence ni la fécondité du propos, mais je n'ai jamais réussi à dépasser durablement l'agacement stylistique. Lui qui parlait tant de violence symbolique me donnait parfois le sentiment d'en exercer une forme très concrète sur ses lecteurs. Enfin, c'est ainsi que je l'ai perçu. Ce ne sont pas des jugements académiques, je n'ai pas le niveau. Ce sont des impressions de lecteur, mais elles comptent pour moi en tout cas, parce que je considère que la manière dont un texte s'adresse à ceux qui le lisent n'est jamais neutre, et parce que j'ai tendance à penser que l'obscurité, dans l'écrit, et même dans l'oral, par exemple lors d'une conférence, l'obscurité donc peut parfois relever, sinon d'une stratégie, du moins d'une indifférence. Je ne suis pas un savant. Au mieux, je suis un vulgarisateur et sans doute pas le meilleur. Mon rôle, si j'en ai un, consiste à tenter de simplifier des pensées complexes, à les rendre lisibles et surtout à les humaniser, sans les trahir, sans les édulcorer et autant que possible sans les transformer en parcours du combattant syntaxique. Humaniser, pour moi, ce n'est pas abaisser, c'est prendre soin, retoucher les mots, les tournures, glisser parfois une remarque acide, un sourire qu'on devine, une mélancolie assumée, ce qui, je vous le concède, alourdit mes phrases. Mais bon, je me vois comme quelqu'un qui prend plaisir à tailler son bonsaï sans vraiment savoir comment s'y prendre. Le résultat est sans doute maladroit, parfois mal équilibré, mais le geste compte plus que la maîtrise et le temps passé importe davantage que le résultat. Tout cela pour dire une chose très simple. Je n'ai aucune prétention intellectuelle. J'écris et je travaille ces textes parce que cela m'est épanouissant, rien de plus. Et si j'écris autant en ce moment, c'est peut-être pour une raison très simple, j'ai découvert que j'aimais ça, alors que cela m'était insupportable quand j'étais élève. Certains font leur potager, d'autres bricolent ou tricotent, d'autres cuisinent, moi je cuisine aussi, et j'écris. Birdie Dog est une sorte de double. Pas tout à fait moi, pas très loin non plus. Birdie Dog est l'avatar d'Emmanuel Humeau, c'est moi. Je le dis pour ceux qui n'auraient pas saisi tout de suite. J'essaie de le maintenir, Birdie Dog, aussi neutre que possible. Je ne suis pas là pour attaquer les libéraux, ni pour célébrer les interventionnistes, ni, par exemple, pour prêcher pour ou contre le marxisme. Je vais être honnête. Je vais quand même avoir du mal avec le fascisme s'il revient. Je préfère prévenir. Je présente des théories. Je présente aussi des faits que je passe à la moulinette des différentes grilles d'analyse. Mais pourquoi ce nom, me demanderiez-vous peut-être? Pourquoi Birdie Dog? Birdie Dog était à l'origine mon nom de gamer, c'est vous dire si ce que l'on peut trouver sur ce blog est de haut niveau. Et surtout, j'ai fini par me construire mentalement un monde autour de lui. Celui qui s'adresse à vous ici, dans ce blog, Birdie, pas Emmanuel, est un homme dont je n'ai pas encore écrit l'histoire, et il le faudra sans doute. Au fil des quelques articles déjà publiés et du contact prolongé que je peux avoir avec le personnage, j'ai pu glaner quelques informations. Retenez ceci. Il a connu la grande peste. Il porte, on ne sait depuis quand, un masque de médecin de la peste. Ses habits évoluent avec les époques et les groupes qu'il traverse. Il a rencontré les grands. Il a discuté avec eux, ils sont toujours vivants, dans sa tête. Il a aimé. Il aime toujours.